Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour une vidéo tout à fait spéciale en compagnie de Natacha Calestrémé, réalisatrice, journaliste, conférencière et auteure. Natacha Calestrémé, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de romans, bien sûr, mais aussi l'auteur de deux best-sellers et d'un troisième en devenir. Pour citer ces derniers, La clé de votre énergie, Trouver ma place, Se donner toutes les chances. C'est un réel privilège de vous donner la parole pour comprendre votre parcours, vos recherches et la restitution de vos travaux autour notamment des 22 protocoles visant à nous libérer émotionnellement et à recouvrer notre potentiel énergétique. Un potentiel énergétique sensible à son environnement proche, mais pas que, et même loin de là puisqu'il peut voyager dans le temps et à travers les générations. Un potentiel énergétique qui, quand il a été mis à mal, peut nous mettre face à de nombreuses épreuves, d'où la nécessité d'y accorder une attention toute particulière. Natacha Calestrémé, pour mieux comprendre pourquoi et comment l'énergie est clé, tout d'abord, c'est quoi l'énergie ? Alors, l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir, même si sur le plan des médecines traditionnelles, dans toutes les civilisations, l'énergie est une composante, l'énergie vitale est une composante à l'intérieur de nous. Le plan biologique, l'énergie, on sait que chacune de nos cellules sont composées de mitochondries, ce sont des petits organites qu'on appelle même des centrales énergétiques à l'intérieur de notre corps. Notre corps est composé de minuscules et de millions de millions de petites centrales énergétiques à l'intérieur de notre corps. C'est très difficile. Enfin, on peut pas les voir, on peut pas le voir. C'est difficile à définir. Toujours est-il que c'est ce qui nous permet d'avancer, nous permet de vivre. Et donc cette énergie, elle est au centre de nous. Et on s'aperçoit finalement de la présence de l'énergie lorsqu'elle est absente de nous. C'est assez bizarre. Mais tant qu'on a l'énergie, on se rend pas compte que finalement on a l'énergie. Et c'est quand elle vient à manquer que tout d'un coup on se dit. Il me manque. Allez, je me sens vide, quoi. Il me manque quelque chose. Absolument. Très bien. Alors, comprendre pour réparer, comment savoir si nous avons une perte d'énergie? Alors, l'important, ça va être d'être attentif à son état. Si on se sent vidé, perdu, très souvent, la perte d'énergie, montre qu'à l'intérieur de notre vie, de nos épreuves, les choses ne tournent pas rond. Je comprends pas. Je n'arrive pas à prendre de décision. Je n'arrive pas à lui tenir tête. Je n'arrive pas à faire un choix dans mon travail. Et ça, eh bien, finalement, ce serait potentiellement la preuve qu'il nous manque de l'énergie. Je vais me référer à ce que les chamans et les énergéticiens que j'ai approchés en tant que journaliste m'ont expliqué, c'est-à-dire que dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et à force de vivre des épreuves et de perdre de l'énergie, y a quelque chose qui manque à l'intérieur de nous. Et si vous voulez, je peux même partager avec vous la manière dont tout cela m'est apparu, en quelque sorte. Oui, ce serait intéressant, en fait. Alors, au départ, je travaille avec des documents en psychiatrie, des cours en psychotrauma, pour essayer de comprendre comment se passent les prises d'énergie, les prises de pouvoir, l'emprise. Et en parallèle, je travaille avec des chamans, des énergéticiens, en tout cas, je les interviewe. Et la chance que j'ai finalement, c'est qu'en faisant ce travail en même temps, je vais me rendre compte qu'ils disent exactement la même chose, mais avec des mots différents. Il y a vraiment des similitudes, juste voilà, ils n'emploient pas les mêmes mots. Absolument. Par exemple, quand on vit une épreuve, quelque chose de difficile, ça peut être un deuil, un accident de voiture, un chômage, une rupture amoureuse, en tout cas, même une gifle quand on est enfant. Et qu'on n'a pas la capacité de à la fois d'avoir vu les choses, on a été surpris et de répliquer. Eh bien, sur le plan psychiatrique, c'est extrêmement bien connu et documenté. il y a une étape de sidération où on est comme pétrifié, on ne sait pas finalement, on peut plus bouger, on peut plus rien faire. Il y a une deuxième étape qui est la dissociation, c'est-à-dire qu'on regarde la situation comme si on était extérieur à soi-même. Et une troisième étape, tout ça c'est immédiat, qui s'appelle la fuite mentale. Ces termes-là ont été employés par Marie-France Irigoyen, qui est psychiatre. Et du coup, la fuite mentale, elle nous empêche de réfléchir, elle nous empêche de réagir, elle nous empêche de dire non, elle nous empêche de dire stop. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas qu'on ne veut pas réagir, c'est qu'on ne peut pas réagir. Et donc, cette fuite mentale, les énergéticiens l'appellent la perte d'âme. Bon, un bien grand mot, finalement, pour l'âme, si on enlève les préceptes religieux, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le siège, justement, de notre énergie vitale. C'est ce qui nous aide à penser, c'est ce qui nous aide à être différent, c'est ce qui porte notre conscience, notre confiance en soi, notre estime de soi. Et cet événement vient de nous priver de notre confiance en soi, de notre estime de soi, et même notre façon de penser. Et la chose assez troublante, parce qu'elle est imagée, mais ça permet de comprendre vraiment beaucoup de choses, c'est que cette énergie, finalement, cette fuite mentale, cette fuite, cette perte d'âme, eh bien, c'est une partie de nous qui s'en va et qui laisse une béance à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à prendre décision. C'est que si cette énergie sort de mon corps, les énergéticiens, les chamans disent qu'elle serait au-dessus de nous, à gauche ou à droite, ça dépend des personnes. Et que on passe notre temps finalement lorsqu'on veut prendre une décision, lorsqu'on a essayé de se relier à une partie de soi qui n'est plus à l'intérieur de son corps, ouais, on est fatigant. C'est fatigant. Ouais. C'est fatigant. On est vidé. Je sais pas. Je n'arrive pas à prendre des décisions. On n'a plus les ressources nécessaires en fait. Je ne comprends pas. Je suis molle. Je suis nulle. J'y arrive pas. Voilà. Donc ça, c'est essentiel parce que finalement. Cette hypothèse de l'énergie qui s'en va quand on vit une épreuve, ça pourrait ne rester qu'une hypothèse. On peut pas le prouver. L'intéressant dans l'histoire, c'est juste parce que finalement, elle permet de manière imagée de comprendre notre attitude. Et la chose très intéressante, c'est que les chamans, dans des rituels qu'ils appellent des recouvrements d'âme, explique qu'on peut justement récupérer notre énergie. Et après des dizaines de milliers de retours de personnes qui ont justement fait notamment ce protocole 5, qui est un reset énergétique, voilà, qui est un recouvrement d'âme, eh bien, tout d'un coup, le fait de récupérer notre énergie et de voir physiquement, de sentir physiquement les choses, ou pas forcément sur le moment, mais en tout cas dans les moments qui vont suivre, eh bien, tout d'un coup, j'ai envie de dire que ce qui n'était qu'une hypothèse devient tangible. Alors, peut-être que ça n'a pas de fondement scientifique. Ça, je veux bien l'entendre. La science n'a pas de réponse à tout aujourd'hui encore. Tout à fait. Mais, et peut-être que c'est simplement le pouvoir du cerveau, dont on sait qu'il est fabuleux et dont je parle dans mon dernier ouvrage, qui fait que tout d'un coup, tant qu'on est persuadé que ce rituel va nous aider, cela va nous permettre de récupérer de l'énergie. J'ai envie de dire, peu importe. L'important, c'est quoi ? C'est de se rendre compte que finalement, on a perdu l'énergie et qu'on va pouvoir la récupérer. Après, les procédés, il y en a plein. On peut tout simplement se promener dans la nature, peut-être faire des choses qu'on aime bien, aller voir un psy. Allez, voilà. Et le fait de se confier, c'est Freud qui dit, le fait de rejouer le drame le transforme. Bon, eh bien, si je parle à un thérapeute de ce que j'ai vécu et que ça se transforme à l'intérieur de moi, peut-être que je vais moins mal le vivre et peut-être retrouver de l'énergie comme ça. J'ai envie de dire que ça appartient à chacun. Exactement. Ça, c'est très important. Ça appartient à chacun, ouais. Et effectivement, ce qui est fort, c'est déjà de se rendre compte quand il y a eu cette perte d'énergie. Voilà. Alors très souvent, ça apparaît par le biais d'une maladie. Bon, là, on va voir un médecin en premier lieu, c'est évident. Et après, on peut effectivement se poser des questions sur le plan énergétique. La deuxième chose assez troublante que j'ai expérimentée et qui a pu en tout cas aider beaucoup de gens dans la prise de conscience et puis ensuite concrètement, c'est que toujours dans ce principe de sidération, dissociation, fuite mentale, lorsqu'on est face à une personne qui nous déstabilise de manière répétée, cette énergie qui s'en va à l'intérieur, cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous qui s'en va, elle est prise par l'autre, par celui qui nous déstabilise. Elle n'est plus en haut, elle est prise par... Imaginons qu'il y a ici quelqu'un qui me dise « t'es nul bon. !» Puis « t'as vu, t'es moche !» Et puis « oh là là, tu sais rien faire !» Et puis « franchement, oh là là, de manière t'es nul bon. !» Je vais m'affaisser, il y a quelque chose qui... Surtout si c'est une personne qui est censée m'aimer. Un parent, quelqu'un de notre famille, un conjoint, un patron, un collègue. Enfin, il n'est pas censé nous aimer, mais en tout cas nous respecter. Bon. Donc, cette personne-là, elle me déstabilise. Moi, je perds de l'énergie et elle s'en rend compte que je perds de l'énergie. Et donc, ça gonfle son estime de soi, mon énergie la nourrit. Et la chose extrêmement troublante, c'est que ce processus de vol d'énergie, tel que l'appellent les énergéticiens et les chamans, eh bien, Marie-France Irigoyen, spécialiste de l'emprise, parle de vampirisation inconsciente. Waouh! Et là, je me suis dit, OK, une fois de plus, on est tous d'accord. Ça fait sens. Ouais. Ça fait sens et une vampirisation inconsciente. Et donc, là encore, on pourrait dire, ben, oui, c'est qu'une hypothèse. Sauf que lorsque vous avez été en couple avec une personne qui vous a déstabilisé à répétition, que vous avez toutes les peines du monde à partir, alors que vous êtes ni idiot ni idiote, ni masochiste, on a envie, on ne sait pas. Eh bien, l'intérêt de cette hypothèse, c'est qu'elle permet d'expliquer l'attitude, nos attitudes qui sont étranges. On ne part pas, non pas parce qu'on est faible, masochiste ou une habituation à la douleur, mais tout simplement parce que je ne peux pas m'abandonner moi-même. J'ai une partie de mon énergie qui n'est plus à l'intérieur de moi et qui est à l'intérieur de cette personne. Je n'en ai pas conscience. Et m'éloigner de moi à jamais est impossible. C'est comme si on me disait, on me coupait le bras et qu'on le planquait quelque part et qu'on me disait, Natacha, c'est bon, tu peux y aller. Je vais peut-être pas revenir. Mais je vais revenir pour chercher ce qui m'appartient. Et donc, ça explique aussi pourquoi les personnes qui ont subi, par exemple, des violences sexuelles, physiques, morales, ont fait le plus gros, elles sont parties. Ils aussi, hein, ça arrive chez les hommes. Hein. Et tout d'un coup, bah non, je pense à lui tous les jours, je reviens. Je pense à chercher ce qui nous manque. Mais... Voilà, et je ne pense pas à lui, c'est tous les jours, je pense à ma partie, à moi. Qui est dans le corps de l'autre. Et moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais je suis divorcée depuis 18 ans, est-ce que ça veut dire que je l'aime toujours? Je pense à lui tous les jours. Non. Vous êtes connecté avec votre partie qui vous appartient. Voilà. Et l'intérêt, c'est que là encore, ben, il existe, ça c'est la bonne nouvelle, un rituel que moi j'ai appelé les protocoles. Donc là, c'est le protocole 6 qui permet, voilà, de récupérer l'énergie qu'on nous a volée. Et c'est une forme de troc. Je récupère l'énergie que tu m'as prise, je fais en sorte que tu récupères l'énergie que d'autres t'ont prise. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire en sorte qu'ils récupèrent l'énergie que j'ai prise. Et je leur dis, mais c'est la condition indispensable pour que vous puissiez récupérer l'énergie. Comme ça, il ne perd rien et c'est vous, et les choses se font en bon équilibre. Donc, on le fait pas pour aider l'autre, on le fait pour s'aider soi. Voilà. Et c'est important de préciser ça, je trouve, pour donner encore plus de force et de courage à ces personnes-là d'appliquer ce protocole. Ouais. C'est essentiel. Et combien de personnes qui m'ont dit j'ai fait ce protocole 6 avec mon conjoint ou ma compagne et soudain j'ai trouvé la force de partir. Est-ce que j'allais vous demander, on peut le faire quand on est encore sous le même toit que la personne? Bien sûr. Et à faire et à refaire. Avec des personnes qui nous ont déstabilisés à répétition, moi, ça m'est arrivé dans ma vie, je me suis peut-être 14 fois en 3 ans. Vous voyez, l'important est de, quand on fait un rituel énergétique de cet ordre-là, c'est comme si on invoquait le plus grand guérisseur sur Terre. C'est-à-dire on se fait du bien à soi-même, on prend soin de soi, et donc on ne va pas aller voir un thérapeute tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est que quand on fait des protocoles comme ça, des resets énergétiques, on va faire, par exemple, imaginons aujourd'hui, j'ai du temps pour moi, je vais faire un protocole, par exemple, avec mon père, ensuite avec ma mère, et puis ensuite avec un tel qui m'a pris de l'énergie. Si au bout de après l'avoir fait avec nos parents, nous ont pris de l'énergie, comme nous, on a pris l'énergie à nos enfants, ça, c'est banal. Dès qu'on est fatigué, dès qu'on est en souffrance, on prend l'énergie à nos proches. C'est extrêmement banal. Donc ça, il ne faut pas culpabiliser. Il y a même une petite phrase à l'intérieur, « Si malgré moi, j'ai pris l'énergie à mes enfants, je la leur rends, etc. » Donc, ça permet vraiment de replacer cette énergie partout. Et donc, on va être attentif à à nos sensations. Je fais un premier reset énergétique. Comment je me sens? Est-ce que je suis fatiguée? Oui, j'arrête. Et j'en referai dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, ça me regarde. Je ne suis pas fatiguée, je continue avec une deuxième personne. Mmh. Et on se repose les mêmes questions. Et pour la première fois, il ne faut pas dépasser 3 personnes. Ça suffit largement. Après, sinon, on est trop fatigué. Ah oui, mais j'en ai 12 à faire. On prend notre temps. Parce que sinon, c'est comme si on faisait rien. C'est comme si on mangeait. À force, on est crevé parce que on a trop mangé. Bon, et il faut être attentif aux sensations qui viennent. Si en faisant le rituel, on a une tristesse. La tristesse, c'est comme des retrouvailles. C'est finalement la tristesse, c'est de se dire. Vous savez, quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps, on ouvre les bras en grand, tu m'as tellement manqué. Et donc, c'est ça, en fait. Cette sensation de tristesse, c'est une sensation de retrouvailles, de parties qui nous manquent parfois depuis toujours. Mais on ne s'en était pas rendu compte. Et là, on se rend compte, c'est l'émotion de ces retrouvailles, en fait. Exactement. On a pu vivre quelque chose à 1 an, à 2 ans, dont on ne se rappelle même plus, qui nous a fait perdre l'énergie. Donc, il y a parfois 30 ans, 40 ans qu'on a perdu, c'est parti de l'énergie. Voilà, il peut y avoir de la colère. Ben, ça prouve que du coup, on va pouvoir faire des rituels, mais je crois qu'on va en parler sur le plan émotionnel. Voilà, des choses sur ces parties-là. Oui, non, c'est passionnant. Donc, effectivement, il y a la perte d'énergie, il y a le vol d'énergie dont on vient de parler. Vous parlez aussi justement de la mémoire transgénérationnelle. Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Tout à fait. Expliquer. Alors, c'est un peu mes deux piliers, en effet. C'est-à-dire qu'il y a un premier pilier qui est autour de l'énergie, cette énergie vitale que l'on perd dès que l'on vit une épreuve et dès qu'on est déstabilisé. Et puis, il y a une autre partie qui a été, j'ai découverte à chaque fois à travers ma propre expérience, le fait que quand finalement on vit quelque chose où on sent un blocage dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, avec nos enfants ou avec nos parents, eh bien, cela peut venir de notre enfance, 0-8 ans, on a vécu des épreuves, et chaque épreuve qu'on a vécue de 0 à 8 ans et comme un séisme émotionnel. Et un séisme, vous savez, c'est comme un tsunami. Après, il y a des petites vagues qu'on appelle des répliques. Et si, par exemple, dans ma petite enfance, j'ai vécu un sentiment d'abandon ou de rejet, et que je suis un peu perdue, j'ai pas su régler, bien sûr, entre 0 et 8 ans, et que plus tard, je rencontre dans ma situation amoureuse que des personnes qui m'abandonnent ou qui me rejettent, ou qui, dans mon métier, je commence un boulot et puis je me sens abandonnée, rejetée. Bon, on se dit, mais c'est pas possible toute ma vie. Voilà. C'est tout simplement parce que la vie ensuite nous fait revivre, c'est les petites répliques, de ce séisme émotionnel qui n'est pas réglé. C'est Jung qui dit, tant que je n'ai pas compris le message de l'épreuve, elle se reproduit. Donc l'intérêt, c'est de finalement faire un arrêt sur image sur ce qu'on vit et de se dire comment je le vis. On va demander par exemple aux auditeurs de se dire, tiens, je vis quelque chose que j'aimerais améliorer. On peut fermer les yeux et puis se dire, mais finalement, est-ce que je le vis comme une trahison? Est-ce que je le vis comme un rejet? Est-ce que je le vis plutôt comme un abandon? Ou est-ce que je le vis comme une humiliation, plutôt une injustice? Oh non, je le vis avec de la colère. Non, je le vis avec de la tristesse. Je le vis avec de la culpabilité. Non, non, je le vis avec beaucoup de peur. Et donc, la manière dont on le vit, ça peut montrer qu'effectivement, on a vécu des choses sur le plan de notre enfance qui n'ont pas été résolues. Donc là encore, on peut très bien aller voir un thérapeute pour essayer d'en venir à bout. Et on peut également, oui, le dernier qui me manquait, c'est la culpabilité. Et on peut également regarder avant nous, avant notre vie, qui a vécu dans notre famille ce genre de blessure, parce que ces répliques peuvent venir de plus loin. Et ça, cette idée-là, moi, je l'ai expérimentée. Toutes les personnes, médecins y compris, thérapeutes, psychiatres, qui se sont penchés sur la question, disent, oui, on ne peut pas nier qu'à partir du moment où on regarde les épreuves de nos parents, de nos oncles et tantes, de nos grands-parents, on voit des choses qui reviennent comme des fidélités inconscientes. Et j'ai depuis, pour le livre « On se donnait toutes les chances », étudié les travaux de Anne Ancelin-Schutzenberger, qui était une grande psychothérapeute française de renommée internationale, qui a fait tout un travail sur justement le côté transgénérationnel et qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la question et qui a montré que finalement, il y avait ce qu'elle appelle des fidélités inconscientes, voilà, entre notre famille et nous. Alors, la chose importante, ce n'est pas parce que notre famille a vécu des épreuves, on va forcément les vivre. Ça, on s'enlève ça de l'esprit. Oh, ma grand-mère a été violée, donc ça veut dire que je... Pas du tout. Mon grand-père a fait faillite, ah ben donc je vais faire faillite. Pas du tout. Ça, on s'enlève ça de la tête. On part de soi. Toujours. On part pas du parent, il a vécu ci, il a vécu ça, donc moi, je vais vivre ça. Pas non, du oui. tout. Et d'ailleurs, si nous, on connaît une situation, et là, peut-être effectivement de remonter. Voilà. Donc, je regarde une situation. Ah, ben, je tombe jamais sur des mecs sympas. Ben, on regarde, est-ce que ma mère aurait préféré être seule? Est-ce que mon père a trompé ma mère? Est-ce que ma grand-mère finalement était toute seule et que son mari est parti à la guerre, elle l'a plus jamais revue, elle s'est toujours ressentie isolée? On regarde les similitudes et s'il n'y en a pas, on se fie aux émotions dont j'ai parlé tout à l'heure. Tristesse, peur, colère, culpabilité, humiliation, trahison. Et on cherche de notre point de vue, elle a vécu ça, moi j'aurais été à sa place, je l'aurais vécu comme de l'humiliation. Ok, bah, j'ai l'humiliation aussi. Et puis, on va faire, là, cette fois-ci, c'est un protocole 7 avec la personne pour se libérer émotionnellement de ces fardeaux, finalement, qui appartient à la personne. Après, il y a des choses qui, sur le plan psychologique, deviennent du psychosomatique et que le pouvoir du cerveau étant tel que ça vaut la peine de se donner de nouvelles chances, en plus de la médecine classique et conventionnelle qui n'est pas une option, de trouver d'autres moyens, finalement, de se libérer. Mais c'est en complément. Et oui, voilà, de mettre le corps dans de bonnes conditions. Ouais, lui donner les voilà. ressources nécessaires pour l'aider à combattre le mal qu'il... Tout à fait, c'est Patrice Queneau qui est médecin, professeur de médecine et doyen à la faculté de Saint-Étienne qui dit « Il n'y a pas pire maladie que celle à laquelle on ne peut pas donner de sens. » Si on va voir le corps médical et qu'on fait tout ce qu'il faut, mais qu'en plus, on peut tout d'un coup relier notre mal au dos avec un sentiment que on en a plein le dos de faire quantité de choses pour tout le monde et que on n'en reçoit pas les bénéfices. Si tout d'un coup on réalise que peut-être nos migraines sont en lien avec des peurs qui sont peut-être héritées de notre mère qui avait peur de un tel ou d'une grand-mère qui avait peur de mourir pendant la guerre, qui elle-même avait d'ailleurs des migraines. Bah, tout d'un coup, le médicament qu'on nous a donné va faire plus d'effet et peut-être que cela va donner un prisme à notre maladie qui va faire qu'on va s'en libérer. C'est toujours Patrice Queneau, il donne un exemple d'une femme qui elle reçoit un colis très lourd et le camionneur fait tomber le colis sur son pied et broie son pied complètement. L'exemple est dans le livre « Soudain toutes les chances bon. ». Et les antalgiques ne font pas d'effet. Elle va voir son médecin, et donc Patrice Queneau, et il fait la recherche des antécédents, ce qu'on appelle l'anamnèse, et il comprend que cette femme a été violée par son père qui était camionneur. Tout d'un coup, le lien se fait entre le colis qui tombe sur mon pied à cause d'un camionneur et mon père m'a tellement fait souffrir parce qu'il m'a violée et il était camionneur. Bon. Et tout d'un coup, la vie finalement lui montre un sens que peut-être il y a quelque chose de son enfance qu'elle n'a pas encore réglé, qu'elle s'en est pas libérée émotionnellement et peut-être que c'est le bon moment pour elle. Et donc tout d'un coup, bizarrement, le fait de faire ce rapprochement, les antalgiques ont commencé à faire effet. Voilà. Donc finalement, de donner du sens. Enfin, voilà, elle avait trouvé un sens finalement à ce qui lui arrivait. Exactement. Et très souvent, dans Trouver ma place, je propose vraiment de faire la liste de nos épreuves et de faire ensuite la liste des épreuves de notre père et de notre mère. Et le nombre de personnes qui m'ont dit « Oh, je viens… » En rentrant, je me souviens d'ailleurs d'un journaliste qui m'a dit « C'est fou, je n'avais jamais fait attention que j'ai exactement les mêmes problèmes amoureux que ma mère avait. Je commence un travail, une personne, je me souviens, elle me dit « Systématiquement, au bout de 2 ans, je le perds. » Elle me dit « J'ai réalisé tout d'un coup que mon père, il a lancé sa société et elle s'est écroulée au bout de 2 ans. » Il y avait quelque chose, ouais. Il me dit « Tout d'un coup, ça a fait sens. » Je me suis dit « Mais en fait, inconsciemment, je reproduis quelque chose qui est un héritage émotionnel qui ne m'appartient pas, qui appartient à mon père. Et ça lui appartient à lui. Et moi, je peux m'en libérer. » Oui, c'est ça aussi la force justement qu'on a, c'est de pouvoir se libérer de tout ça. Et il y a un autre aspect aussi que je trouve vraiment étonnant, et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'épigénétique. Dans le cas de grands traumatismes, comme par exemple effectivement peut-être nos grands-parents qui ont connu les guerres, etc. Et là, c'est prouvé il y a une transformation dans les gènes et qui suivent les générations d'après. Je crois que c'est jusqu'à 3 générations, il me semble, qu'on peut retrouver ça. Et voilà, enfin, c'est une preuve scientifique, une donnée scientifique, qu'un traumatisme peut voyager par la descendance, en fait, hein, se retrouver. Et après, j'imagine que c'est propre à chacun de développer effectivement un problème qui viendra de ce traumatisme-là, mais que c'est pas automatique. Mais je trouve ça en tous les cas assez passionnant. Tout à fait. Alors j'ai toute une partie sur l'épigénétique dans se donner toutes les chances, parce que justement je trouve que c'est la discipline qui permet de relier la science dure avec les médecines complémentaires. Et tout ce qui est émotionnel. Effectivement, comme vous le dites très justement, il y a plusieurs études qui ont montré que chez l'humain, une épreuve, et ne serait-ce qu'un simple stress, impacte déjà nos cellules. Ça, c'est prouvé. Enfin, peut impacter. C'est pas systématique. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut impacter nos cellules. On l'explique de façon... je vais dire schématique, c'est-à-dire que quand on vit une épreuve ou un stress, on a 2 hormones qui sont dans le corps, qui sont le cortisol et l'adrénaline. Et ces hormones-là empêchent nos cellules qui sont toujours en train de se renouveler normalement. Certaines cellules devraient se renouveler d'une certaine manière et elles ne le font plus. Et certaines cellules ne devraient pas se renouveler et tout d'un coup, elles se mettent à se renouveler. Et ce codage qui est faussé, finalement, à cause de ces hormones de cortisol et d'adrénaline, eh bien, on voit l'effet, en fait, de l'émotionnel sur nos cellules. Alors, c'est potentiel, ce n'est pas systématique. Et effectivement, ce qui a été prouvé, c'est que chez l'homme, et en tout cas chez le mammifère, cela peut se faire donc chez notre descendance, donc le parent, son enfant et son petit-enfant, 3 générations. Sur le plan du RAD de laboratoire, on l'a vu, c'est sur 5 générations que ça a été prouvé. Et en plus, en écartant, en faisant des croisements pour sortir le comportement défaillant du parent, parce que on sait que donc quand des personnes ont vécu une famine, ça peut créer des maladies cardiovasculaires, des diabètes ou de l'obésité, et que souvent, dans la descendance, on observe les mêmes maladies. Mais ça peut venir du comportement. Si on a manqué de nourriture, on peut avoir un comportement compulsif au niveau de la nourriture qui va impacter nos enfants. Et donc là, ce n'est pas prouvé sur le plan cellulaire, mais sur le plan du comportement. Mais sur le plan des animaux, c'est prouvé sur le plan cellulaire. Et donc, ce qui est assez phénoménal, c'est de se dire que non seulement ça peut impacter nos cellules, ça peut impacter notre descendance. Mais ce qui est génial, c'est que c'est réversible. Et ça aussi, c'est prouvé. C'est-à-dire que toutes les cellules qui n'ont pas reçu le bon codage, eh bien, elles peuvent à nouveau recevoir un bon codage à partir du moment où on sort du stress. Et c'est là où la recherche de sens, elle est essentielle. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on se dit... je suis malade, je vais mal, je vais pas bien et je peux rien faire et je me sens handicapée et on broie du noir, on est stressé et donc ça impacte nos cellules de manière négative. Si par contre, et ça c'est tout le chemin que je propose dans se donner toutes les chances, si tout d'un coup par contre je prends du recul sur les choses, je comprends que toute situation est réversible. Qu'il y a des choses qui sont héritées et qui m'appartiennent pas et dont je peux me libérer. Ou que la maladie est peut-être le moyen, finalement, de donner du sens à quelque chose dont je n'avais pas conscience et dont je peux me libérer. Une épreuve ancienne qui me pèse et que je peux évacuer aujourd'hui. Eh bien, tout d'un coup, on se réfère à notre pouvoir de nous focaliser sur nos parties saines, sur quelque chose, sur un avenir où finalement je m'imagine libérée. Et ça, instantanément, ça fait baisser le stress. Et quand le stress baisse, ben, du coup, nos cellules refonctionnent normalement. Donc, trouver un sens à la maladie, c'est quelque chose qui, en plus du médicament et du soin du médecin, va favoriser les facteurs, voilà, de grande santé pour se relier à quelque chose qui nous donne de l'espoir. Avec ça, je vais m'en sortir. Avec ça, je vais y arriver. Et c'est le professeur Ostermann qui dit, dans Se donner toutes les chances, donc professeur de médecine, qui dit: imaginons que pendant la nuit, un guérisseur céleste soit venu chez vous et vous ait guéri complètement. À quoi vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri? Qu'est-ce que vous pouvez dire, Émilie, là-dessus? Comment vous allez vous rendre compte, imaginons que vous avez une douleur, quelque chose, comment vous allez vous imaginer que vous êtes guéri? Vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri? J'ai un soulagement, comme si on retirait un poids ou quelque chose de cet ordre-là. Très bien. Okay. Et quelle est la première personne qui va se rendre compte que vous êtes guéri? Une personne proche, enfin de mon entourage. Voilà. Ouais. Voilà, une personne proche d'entourage. Alors ça peut être un compagnon, ça peut être un enfant, ça peut être un père ou une mère, ça peut être une voisine. Oh, t'as l'air d'aller mieux. Oui, ça se voit de toute façon. Enfin, c'est vrai que. Voilà. Et puis, qu'est-ce que la personne qui va s'en rendre compte en premier va nous dire? Et on voit bien qu'à travers toutes ces questions qu'on propose, eh bien, on se place déjà dans la guérison. Oui. Oui, oui. Oui, puis parce que de toute façon, c'est tout le corps qui exprime un mieux-être, entre guillemets. C'est-à-dire que ça se voit visuellement, puisque c'est vrai qu'un proche ne ressent pas la douleur qu'on peut avoir quand on est malade. En revanche, il va pouvoir voir de ses yeux que quelque chose va mieux. Donc, effectivement, voilà. C'est permis par le corps. Complètement. Imaginons quelqu'un qui ait des difficultés à marcher parce qu'il a un problème au dos. Ou quelqu'un qui a des migraines et qui a toujours les sourcils froncés parce que ça prend. Ouais. Bon, bah, la première personne qui va se rencontrer, elle va peut-être dire: tu marches super bien, là. Ouais. Ou bien, oh, t'as l'air reposé, t'as les traits. T'as bonne mine. Voilà. Et donc, on voit bien qu'à travers simplement cette démarche de s'imaginer guéri, un scénario, en fait. Eh bien, on s'est libéré d'un stress. Il y a quelque chose qui fait qu'on se rattache à nos parties saines et qu'on va de l'avant et qu'on n'est plus, on s'identifie plus à ma maladie, mon diabète, mon obésité, mon anorexie, je suis migraineuse, je suis... je ne sais pas moi, mon inflammation. On sort de ça. Et ça, c'est important. Oui, s'extraire vraiment de cette, tout cet univers de la maladie, parce que c'est vrai que quand on est malade, je pense qu'on est tout de suite comme happé dans un autre univers. C'est important tout n'est que maladie, tout, voilà. Voilà, tout tourne autour de ça. C'est extrêmement important de se désidentifier. Oui. Voilà. C'est ça, la désidentification est très importante, effectivement, pour... il y a la maladie et moi, et je peux encore me sortir de ça. Oui, ça doit forcément favoriser énormément. Voilà, c'est le docteur Janssen qui dit, prend un exemple en disant, imaginons quelqu'un qui a un diabète, bon, qui va voir son médecin et qui a un traitement pour le diabète, bon, et que la situation, elle est équilibrée, stable. Comme la maladie, c'est une tentative du corps de retrouver un équilibre, pour retrouver un équilibre dans une situation perturbée, eh bien, finalement, si la situation, elle est à nouveau équilibrée, que je suis stable, eh bien, certes, j'ai un diabète, mais je ne suis plus malade dans le sens où mon corps a besoin de rééquilibrer quelque chose. La situation, elle est équilibrée. Et le fait de se dire, ah ben oui, je suis dans une situation où finalement, qui n'a pas besoin d'être équilibré puisque je suis dans une situation stable, et ben tout d'un coup on se place dans une situation où on n'est plus malade, mais on est quelque part, on est finalement dans une bonne santé. Et ça, ce que dit le docteur Janssen, je trouve ça extrêmement intéressant de se dire que finalement, quand la situation elle est stabilisée, eh bien, on va bien. Très important de revenir sur ce point-là, donc, et de constater effectivement la force que nous avons en nous dès lors qu'on en a conscience. Est-ce qu'on peut revoir juste les grands principes justement pour comment dire, pour récupérer l'énergie, se délester émotionnellement de ce qui nous chagrine? Quels sont les grands principes, juste en quelques mots? Alors, ce qui est important… Sans revenir sur tous les protocoles, hein, bien oui, évidemment, oui, oui, d'accord. J'enverrai tous les lecteurs vers votre ouvrage, mais sur quel principe cela fonctionne en fait? L'important, c'est l'énergie qu'on va mettre dans notre envie d'aller mieux, parce que parfois d'ailleurs, on n'a pas envie forcément d'aller mieux, parce qu'on trouve un intérêt, parce que tout d'un coup, quand on est malade, eh bien, il y a des personnes qui prennent soin de soi, on peut ne pas aller travailler, etc. Donc, c'est important, et d'ailleurs ça fait partie des questions, est-ce que j'ai vraiment envie de changer de situation ou est-ce que j'y trouve un intérêt? Donc première chose, c'est l'énergie qu'on va mettre à sortir de la situation, et dans le prolongement l'intention qu'on va mettre pour aller mieux, dans la mesure où le fait de parler à voix haute et de se dire que on refuse de porter une situation, une épreuve, un problème de santé, que ça appartient à tel. Moi, je suis différente, c'est terminé. Voilà. Eh bien, l'intention qu'on va y mettre, eh bien, c'est finalement ça qui va faire toute la différence. Parce que si je dis, j'ai envie d'aller mieux, que c'est la même chose que j'ai envie d'aller mieux. C'est pour ça qu'il faut le message à l'univers et à soi-même n'est pas voilà. Le même. C'est important qu'il faut dire les choses en fait à voix haute et en y mettant l'attention, parce que finalement c'est l'énergie que l'on va déployer pour dire les choses qui va finalement impacter notre propre énergie, toute cette énergie qui est à l'intérieur de toutes les mitochondries qui composent notre corps. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est comme si on était notre plus grand guérisseur. C'est qu'en fait, on travaille sur notre propre énergie. Après, comment ça se passe précisément? On ne sait pas. On évoque, dans Se donner toutes les chances, c'est le professeur Osterman, les effets placebo. Bon, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais toujours est-il que, à partir du moment où on est convaincu que notre thérapeute ou le médecin nous donne un bon médicament et qui va trouver la solution, que notre médecin ou notre thérapeute est convaincu que nous avons les ressources pour nous en sortir, et que ensemble, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, eh bien, on va mettre toute notre énergie pour choisir le bon traitement et que j'accepte en tant que patient, eh bien, ça, il se passe un phénomène qui est assez incroyable et qu'on n'explique pas, ces phénomènes d'auto-guérison qui sont prodigieux et qui marchent dans 90% dans le cas d'arthrose, dans le cas de la dépression et dans 35% dans bien d'autres maladies. Et ça a été mis en avant lorsque Beecher, un anesthésiste sur le front italien, n'a plus de morphine. Et les combattants arrivent en masse et il leur met une solution saline, donc sans effet thérapeutique, à l'intérieur du corps, en leur disant « c'est une très grosse dose de morphine que je vous donne, c'est totalement faux ». Et à sa grande surprise, un très grand nombre finalement de combattants cessent de souffrir, simplement grâce à… persuasion. Voilà, c'est ce qu'on appelle la croyance d'attente. On est convaincu que ça va nous aider. Donc, ce pouvoir du cerveau, il est essentiel. On ne sait pas comment ça marche, mais il marche. Et donc, à travers les rituels que je propose, on ne sait pas vraiment non plus comment ça marche. Mais si on est convaincu et qu'on y met beaucoup d'intention, on se donne beaucoup plus de chances que ça marche. Que j'allais vous dire tout le titre de votre prochain ouvrage. Donc, il est donc tout à fait possible de se délester émotionnellement et d'opérer un reset énergétique pour initier un nouveau départ. Vous venez de l'expliquer. Vous l'aurez compris, donc l'énergie, c'est la clé. Et la clé de votre énergie est dans le livre de Natacha Calestrémé. Merci pour tous ces précieux partages. Avec votre dernier livre, donc Se donner toutes les chances, on peut parler de suite logique en le disant à vos deux précédents ouvrages. Vous évoquez donc vraiment ce lien entre la maladie corporelle et les émotions. Vous expliquez comment notre propre rôle est essentiel. On vient d'en parler. En quelques mots, quand même, pour parler de cet ouvrage, je dis, voilà, qui sera très prochainement un best-seller, c'est à n'en pas douter. Quels sont les grands chapitres que vous évoquez et qu'avez-vous cherché à transmettre au lecteur? Voilà, vraiment toujours cette, j'imagine de transmettre cette notion que on a quand même beaucoup de clés en nous, de force en nous, si on en a conscience pour, voilà, s'aider dans des moments difficiles. En fait, si vous voulez, dans ce livre, on a une première partie qui est qui permet en fait de comprendre la différence entre la souffrance et la douleur, entre le j'ai mal et le je vais mal, entre la douleur aiguë et la douleur chronique, la douleur aiguë qui amène vers l'extérieur pour trouver une solution et la douleur chronique qui ramène vers soi, vers un repli et parfois une forme de dépression. Donc la première partie, elle propose en fait de reprendre confiance en comprenant tout ce qui se passe, voilà, autour de la maladie, sur le plan psychologique, sur le plan de nos émotions. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Ensuite, et puis aussi sur l'intérêt de ne pas se fier uniquement aux symptômes, comme on l'a dit, parce que ça nous permet de nous identifier à notre maladie, de nous associer à notre maladie, et que c'est essentiel de se désidentifier pour justement sortir de cette noirceur qui nous focalise en fait sur le symptôme. La deuxième partie, c'est s'ouvrir à d'autres thérapies pour se donner à toutes les chances et justement comprendre, avoir un recul en fait sur les choses et se dire que la médecine conventionnelle, elle est indispensable, mais qu'il existe un très grand nombre finalement de pratiques et de thérapeutiques qui aident à voir les choses autrement, à prendre du recul sur notre maladie, à donner du sens à notre maladie, à comprendre des liens qu'on n'aurait pas fait. Voilà. Et avec notamment la dimension, on va dire, spirituelle, c'est-à-dire la spiritualité, c'est pas du tout la religion, c'est croire en notre force, en une force qui nous dépasse, sortir de notre ego et faire confiance en la vie. Et la dernière partie, qui est notre propre rôle dans la guérison, l'importance du patient dans la thérapie, et notamment comment faire pour agir pour notre bien, comment faire pour aider nos cellules à se renouveler dans le bon sens, avec notamment des conseils pour diminuer le stress, pour avoir des aliments qui aident justement à ce renouvellement en fait des cellules et cette réversibilité des choses. Voilà, donc vraiment une partie un peu plus impliquante. Et puis il y a une dernière partie qui s'appelle Mon carnet, qui est en fait un peu comme un carnet de santé et qui propose de manière très schématique un bilan en fait de l'ensemble du livre où point par point on aborde comment faire et notamment comment éviter certaines dérives de certaines pratiques parce qu'on sait qu'il y a des dérives malheureusement. Ouais. Voilà, comment être vigilant. Comment se fier voilà au bouche à oreille, comment se fier à ses propres ressentis aussi pour se dire voilà pour se donner vraiment toutes les chances d'aller dans les bonnes directions. Très bien, donc Se donner toutes les chances, c'est un ouvrage qui vise à réconcilier les médecines conventionnelles et non conventionnelles et tout ça dans un seul but, le bénéfice du patient. J'ai envie de dire que c'est là quand même le plus important. Donc, il faut vraiment se fermer à rien, notamment quand on rencontre ces périodes compliquées. Merci beaucoup, Natacha Calestrémé, pour votre bienveillance, temps et générosité. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. Je rappelle que l'ensemble de vos ouvrages sont disponibles aux éditions Albin Michel. Je vous laisse peut-être un mot de la fin à adresser aux éditeurs qui... avec qui nous partageons ce moment. Merci déjà, Émilie, de m'avoir invitée. J'étais ravie de cet échange et j'ai envie de vous dire que, quelle que soit l'épreuve que vous vivez, qu'elle soit une épreuve de vie ou une épreuve de santé, considérez qu'il y a un message à l'intérieur qui est certes pas facile à comprendre, mais qu'il existe. Que les thérapeutes sont là pour ça et qu'il y a des livres aussi pour ça, pour essayer de comprendre. En tout cas, tout ça vous appartient. Mais que c'est un cadeau mal emballé pour vous aider à vous libérer peut-être de quelque chose qui vous pèse et retrouver votre entièreté, votre énergie. Et ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Et si c'est pas le bon moment pour vous, vous le saurez. Si c'est le bon moment pour vous, vous le saurez aussi. Ne laissez personne décider à votre place. Merci beaucoup pour ces paroles, effectivement. Et surtout, prenez soin de vous, ne restez pas seul. Et toutes les informations pour retrouver les ouvrages de Natacha Calestrémé dans le scriptif de la vidéo. Merci encore infiniment. Merci infiniment, Émilie. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.